les filles autour des brasero, la fontaine où joue Marcello, la Dolce Vita qu'est la vie. Les draps blancs, les dessous dentelles, tendus au-dessus des ruelles, comme s'ils voulaient nous dire leur nuit. La louve allaitant les jumeaux, le ciel de Michelangelo, la Cendrillon, le Rossini. Pense à l'Italie, vois les escaliers de Toscane, où s'entremêlent comme des lianes les terrasses aux jardins fleuris. Vois le Chianti qu'on te propose, aime de l'amour que durent les roses, aime comme on aime en Italie. Et au lointain les voix brisées de ces chanteurs de variété, qu'au pont le public applaudit. Pense à l'Italie, pense à l'Italie. Pleure à Capri, danse à Florence. Dans la foulée, dans la folie, oublie ta vie et suis ta chance. Pense à l'Italie, à l'Italie de ton enfance. Tes péchés n'ont pas d'importance, combien Venise en a commis. Le bassin des nouveaux mariés qui jurent s'aimer l'éternité en jetant une pièce dans l'eau. Les cathédrales et les églises, la tour penchée, la tour de Pise, les bijoux de Codognato. Dans cette lumière qu'on n'oublie pas, la musique de Nino Rota n'en a jamais, jamais fini. Pense à l'Italie, pense à l'Italie. Pleure à Capri, danse à Florence. Dans la foulée, dans la folie, oublie ta vie et suis ta chance. Pense à l'Italie, à l'Italie de ton enfance. Tes péchés n'ont pas d'importance, combien Venise en a commis. Mais un Piémontais, un Sicilien, ce n'est pas le même Italien, ce n'est pas la même Italie. Tes péchés n'ont pas d'importance, combien Venise en a commis.